الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هدى. ثم أما بعد، j'avais promis dans l'audio précédent où j'avais parlé de à Abu Ishaq Abd al-Hayy, j'avais promis de revenir en cas de besoin pour clarifier ce qui mériterait de l'être. Et effectivement, après cet audio, cette personne s'est beaucoup affairée et au lieu de regarder dans ce qui lui est reproché, comme doit le faire le salafi, lui, il recourt à des moyens rusés pour détourner le regard et l'attention de ses égarements en cherchant quelque chose à critiquer chez les autres. C'est ce qui s'appelle Al-Hayda. Le fait de prendre la tangente pour esquiver de répondre aux questions et aux critiques. Et cette technique de Al-Hayda risque de passer sous silence ici, surtout quand cet homme bavarde longuement. Et il y a malheureusement des gens qui pensent que celui qui crie fort, celui qui parle longuement, celui qui insulte ou qui accuse les gens d'être hizbi, sectaires, d'être morji ou même d'être jahmi, sans avancer de preuves. Donc il y a des gens qui pensent que c'est lui qui devrait avoir raison. C'est pourquoi on doit leur clarifier. Bref, sa réaction confuse vis-à-vis de mon conseil me pousse à lui prodiguer un deuxième conseil, tout en espérant qu'il ait assez de courage et de crainte d'Allah Azza wa Jal pour accepter le vrai s'il s'en rend compte. Et tout en espérant aussi que mon conseil puisse profiter à ceux qui étaient dupes de ses manières et méthodes. Donc, pour cela, je procéderai ici à un rappel de certains de ses écarts et à clarifier certaines de ses objections qui méritent d'être éclaircies aux gens. J'énumérerai donc tout cela rapidement sous forme de points. 1. Le premier point, c'est qu'il s'allie à un ensemble d'innovateurs prenant leur défense et s'opposant à des savants salafis. Cela le pousse même à coopérer avec des centres ou des associations qui ne sont pas claires dans la salafia, comme le CEP et comme Jeunesse musulmane d'Aquitaine. 2. Le deuxième point est en rapport avec son combat de savants salafis comme Cheikh Rabi', Cheikh Ubaid, Cheikh Abdullah al-Bukhari. Il est allé jusqu'à invoquer contre eux, donnant ainsi dans le péché de l'i'tida fi du'a, la transgression dans l'invocation. C'est-à-dire le fait de commettre une forme incorrecte d'invocation. Confère à ce sujet une risala de Cheikh Ahmed al-Fifi, intitulée al-i'tida fi du'a. Et Cheikh Salih al-Sheikh, lui aussi, explique très bien ce point dans un audio, si vous pouvez le rechercher. Troisièmement, le troisième point, je rappelle aussi qu'il a prétendu que le simple fait d'effacer sa publication et de dire « je retire ce tweet » suffirait dans ce genre de situation grave. Il oublie ainsi la forme correcte de « at-tawba » qu'on est dans le sérieux. Il oublie ainsi la forme de « at-tawba » au sens général, et dans le cas strict qui est At-Tawba de Al-Bid'a. Quatrièmement, il publie des liens de sites égarés, comme le site Kull Salafiyin, tenu par le grand égaré Ali Al-Halabi. Et il publie aussi à partir de l'autre site qui porte le nom de Al-Afaq, le site Al-Afaq, qui est tenu par les gourous Haddadi, tels que Al-Juhani et Al-Ghamidi. Cinquième point, il ne définit pas la salafia comme une méthodologie, il ne la définit pas correctement. Comment y appeler alors? Sixième point, il patauge et tâtonne quant à plusieurs règles de Al-Manhaj al-Salafi, comme ce que nous allons citer. Par exemple, si on prend la première règle, l'innovation de Al-Muazanat, qu'il ne comprend pas. Cette innovation consiste à rendre obligatoire de citer les Hassanat de Al-Mubtadi' quand on le critique. confère à ce sujet le livre de Cheikh Rabi' al-Madkhali intitulé Manhaj Ahl al-Sunnah wal-Jama'a fi naqd al-Kutub wal-Rijal wal-Tawa'if. Un deuxième exemple de règle qu'il ne comprend pas est celui de la règle de al-ilzamat, les implications ou les implicatures. Confère à ce sujet le livre de Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin rahimahullah intitulé Al-Qawa'id al-Muthla, Al-Qa'id al-Rabi'a, et son explication, l'explication de ce livre, pour constater l'usage abusif que fait Abu Ishaq Abdelhay de cette technique sans en respecter les normes. Et un troisième exemple de règle qu'il ne comprend pas, c'est qu'il refuse la règle de tester les gens par Ahl al-Sunnah et de les tester par Ahl al-Bid'ah. Il va même jusqu'à considérer cela comme étant une Bid'ah. Et si on lui pose la question, il se cache derrière la parole, c'est-à-dire derrière l'erreur d'un savant. Nous l'invitons à ne plus se barricader comme ça, à se barricader comme un muqallid, comme un imitateur, derrière un tel, derrière l'erreur d'un tel, mais nous l'invitons à fonder ses positions en muttabi', en suiveur des arguments, en muttabi', fondant ainsi ses positions sur des arguments, sur al-adillah. Tester les gens par les imams de la sunnah ou par les personnes claires dans l'innovation est une règle salafi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait testé Al-Jariya et l'histoire est très connue dans la question de Al-Ulu. Donc le prophète avait testé Al-Jariya et Al-Salaf aussi tester les gens par leur alliance ou non pour Abu Bakr et pour Umar radiyallahu anhuma, et ainsi de suite. Et aussi, on ne teste pas par n'importe qui. Par exemple, à notre époque, beaucoup de bid'i n'osent pas détracter Cheikh Ibn Baz ou Cheikh Al-Uthaymin, mais on les éprouve plutôt par quelqu'un comme Cheikh Al-Albani ou Cheikh Muqbil ou Cheikh Rabi' ou Cheikh Al-Jami. C'est savant que tous les hizbiyins détestent. Les hizbiyins détestent à l'unanimité ces grands savants. Donc voici, c'était quelques règles. Maintenant, le sixième point qu'on lui critique, il met en garde contre les savants contemporains de la science dite de Al-Jarh wa Ta'dil. Et parmi ses moyens en cela, c'est de propager l'épître de Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, Hafidahullah, intitulé Rifqan Ahl al-Sunnah bi Ahl al-Sunnah. Là, il faut savoir que nous respectons Cheikh Al-Abbad comme un grand savant salafi, mais nous ne prétendons pas qu'il serait infaillible. Et nous pensons que le Cheikh, Hafidahullah, a voulu le bien par cette risala, mais il a laissé des points imprécis que les gens de Al-Bida' exploitent dans sa risala. Il n'y a qu'à voir que les hizbis les plus enfoncés dans le hizbiyya, dans le sectarisme, dans les bida' tels que les ikhwani et les qutbi, ils diffusent cette risala. Il faut se demander pourquoi. Pourquoi ils diffusent cette risala? Est-ce qu'ils aiment la science de Cheikh Al-Abbad? La risale a été critiquée par certains savants, comme Cheikh Najmi, qui avait envoyé une nasiha précieuse à Cheikh Al-Abbad, Hafidahullah, Rahimahullah, Cheikh Najmi. Et aussi, elle a été critiquée par Cheikh Rabi' et par Cheikh Ubaid, qui sont de grands savants, ainsi que par d'autres mashayikh, comme Cheikh Ahmed Bazmoul, et par Cheikh Mulayhan Al-Aouni, qui la commenta en un livre entier intitulé Ta'amulat. Mais malgré cela, Abu Ishaq Abdelhay dit que les critiques sur la risala ne sont pas convaincantes. Le septième point ou le huitième point qu'on lui reproche, c'est qu'il prétend aussi avoir étudié chez Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali et chez Cheikh Ntifi, rahimahumullah. D'abord, il faut prouver ses prétentions. Ensuite, étudier chez un savant n'est pas un passeport ou une carte blanche, surtout quand cette personne les contredit dans leur méthodologie. Et à la vérité, المرء يزكيه عمله. Ton œuvre, voici ta véritable tazkiya. C'est l'œuvre qui te recommande, c'est tes actions, ta méthodologie. Tu prends une tazkiya d'un savant et après tu fais ce que tu veux. C'est incorrect. Le huitième point qu'on lui reproche aussi, il avait dit dans un cours audio intitulé « Enseignement à tirer de la sourate de Youssouf », je cite, il avait dit « Nos gouverneurs ici en France, eux aussi peuvent apprendre de la sourate Youssouf ». Fin de citation. Donc, cette citation se passe de commentaire que c'est une citation qui contredit le principe de l'alliance et le désaveu vis-à-vis des kuffars. Et aussi, il y a une autre citation contredisant le principe de Al-Wala Wal-Bara, toujours dans le même dars, où il encouragea le musulman à aimer une terre de mécréance. Et aussi, parmi les effets d'écouter Ahl al-Bida' chez cette personne, à côté des règles confuses qu'il a déjà et qu'il porte, il y a qu'il cite une histoire inventée, celle de l'imam Ahmed et le boulanger. L'imam al-Dahabi, rahimahullah, et rahimahullah l'imam Ahmed. L'imam al-Dahabi, rahimahullah, jugea cette histoire comme étant inventée, mawdou'a. Et c'est fort probable que c'était Muhammad al-Arifi, ce grand hizbi, ce grand sectaire ikhwani, ce grand khariji, c'est lui qui revivifia cette histoire à notre époque. Et Abdel Hay l'apprend de ses acquaintances et fréquentations hizbi, bid'i. C'était là le neuvième point, maintenant le dixième point. Et enfin, il y a un point important à signaler aussi et qui prouve encore que cet homme ne comprend pas la voie salafie. C'est qu'il me reprochait de l'avoir qualifié à la fois de Khariji et de Murji, Khariji Haddadi, et de Murji. Donc, il soutient que ce sont deux choses inconciliables. Or, voici la réponse. Les salafs disaient que toutes les passions, c'est-à-dire les sectes et les groupes, toutes les passions avaient divergé dans le nom et se sont réunies autour de l'épée, autour de la rébellion. Donc tous les groupes sont des khawarij, tous les autres groupes égarés sont des khawarij. Mis à part le groupe qui est la secte sauvée, les autres groupes sont des khawarij, donc ils portent la notion de rébellion. Donc là, les salafs avaient qualifié tous les sectaires comme étant des khawarij qui se réunissent autour de l'épée. Inna al-ahwa aftaraqat fil ismi wa jama'at hawla al-sayf ay al-khuruj. Le deuxième point de réponse ici, ou le deuxième élément de cette réponse succincte, c'est que l'imam Ahmed, rahimahullah, avait qualifié Al-Khawarij comme étant des Murji'is. Les Khawarij, l'imam Ahmed les avait qualifiés comme étant des Murji'is. Car les Khawarij refusaient Al-Istithna fil Iman. Ils refusaient de dire « Je suis croyant, Inch'Allah ». Ils refusaient cette exception. Par là, l'imam Ahmed rahimahullah avait dit de Al-Khawarij qu'ils sont Murji'is aussi. Et les Murji'a, le groupe de Murji'is aussi, le groupe de Al-Murji'a comme secte égarée, ont aussi l'avis de rébellion de Al-Khuruj, comme l'ont aussi les groupes tels que les Soufis, les Qadari, les Shi'ites, les Ikhwani, les Qutbi et les Haddadi. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين